Bonjour à tous, bienvenue sur Podcast Science. Aujourd'hui, épisode numéro 37. Alors, comme d'habitude, je suis en compagnie du professeur Fon. Salut, professeur Fon. Salut Mathieu. Et aujourd'hui, on a un invité spécial, n'est-ce pas, professeur Fon? Mais absolument, on a la chance d'avoir avec nous un de nos fans de la première heure. Je te laisse le présenter. Alors, on a l'honneur de recevoir Xavier Agnès, dont on a souvent parlé dans nos podcasts, qui partage souvent des informations scientifiques avec nous. Salut, Xavier. Salut Mathieu, salut Alan. Salut Xavier, ça fait plaisir de te recevoir. Bah, ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Alors, en fait, on t'a invité pour une raison particulière, parce que tu avais été l'heureux gagnant lors. En fait, on avait fait dans un podcast, à l'occasion du 1er avril, des fausses nouvelles scientifiques. Enfin, un certain nombre était vrai, un certain nombre était fausse, et on avait demandé aux auditeurs d'essayer de trouver lesquelles étaient fausses. Et tu avais fait partie des gagnants, hein, c'était ça, c'est juste? Ouais, en fait, il avait eu un prix de Prix de consolation. consolation, non? Ouais, c'est ça. Xavier avait fait l'effort de tout vérifier systématiquement. Il avait fait un look-up sur toutes les news pour voir lesquelles étaient vraies, lesquelles étaient fausses. Et puis, comme il était un peu pris par le temps, il n'était pas arrivé au bout. Mais on avait trouvé la démarche super. Et puis, du coup, il a eu un prix de consolation qui était un livre de Nicolas Gauvry. Et puis, Xavier était là aujourd'hui pour nous en parler, en fait. C'est ça, tu l'as lu? Exact, ouais. T'as des J'ai choses à dévoré partager. ce petit livre. Exactement, ouais. Le livre s'appelle Quand les nombres font perdre la boule de Nicolas Gauvry, que vous aviez présenté, que vous aviez interviewé dans un des podcasts, je sais plus quel numéro, donc qui est un psychologue et statisticien, et puis qui s'amuse beaucoup avec les nombres et à démonter toute une série de croyances qu'on a sur les nombres. Alors, en l'occurrence, ce petit livre ici qui fait 58 pages Ah ouais, m'a c'est déjà pas mal. beaucoup amusé. Non, c'est un tout petit livre, ça se lit vraiment super rapidement. Puis c'est un très très grand plaisir parce que c'est assez drôle. Franchement, moi je me suis bien marré en lisant, particulièrement dans la première partie où il fait vraiment des choses que je trouve vraiment humoristiques. Enfin, c'est extrêmement distrayant à lire. Et puis il s'amuse à démonter, à décortiquer toute une série de croyances qu'on a, notamment tous les numérologues. Donc ces gens qui font des calculs savants, enfin soi-disant savants, d'après les lettres de nos noms. Ah, pardon. Aussi, on a des références de 3, de 7. Excuse-moi, on a une petite Oui? coupure. Tu peux juste revenir quand tu disais que des personnes, des entre guillemets, charlatans ou des personnes qui faisaient des calculs sur des nombres. Ça, parce qu'on a juste une coupure, on a pas entendu la suite. Ouais, donc ces numérologues décortiquent nos noms en essayant d'en sortir des espèces de tendances chiffrées. Et puis, ils s'amusent à démontrer pourquoi est-ce que toutes ces choses-là ne tiennent pas la route. Moi, j'ai relevé deux, trois choses intéressantes dans son livre que je trouvais intéressant de parler. Donc, toute cette partie sur les numérologues. Je pense qu'il le fait bien mieux que moi dans son livre. Moi, je vous encourage fortement à aller acquérir ce livre puis à le lire parce que c'est vraiment très intéressant. Moi, il y a deux petites choses dont j'aimerais parler. C'est le paradoxe des anniversaires. Ah, Savez-vous quelle est je la crois que je le connais celui-là. probabilité? Ah ouais. Il est Alors, drôle. peut-être tu pourras répondre correctement à la question. Quelle est la probabilité d'avoir deux personnes qui ont le même jour d'anniversaire dans une assemblée de 30 personnes? Alan? Bonne question. Je sais pas. Je sais pas. J'avais lu aussi ce paradoxe des anniversaires. Je me rappelle qu'il y a un truc complètement contre-intuitif. Il est beaucoup plus, je me rappelle plus du chiffre exact, mais la probabilité est beaucoup plus élevée de ce que. Que, ouais, c'est ça, que ce à quoi on s'attendrait, c'est ça? Alors, effectivement, on s'attend à ce que la probabilité soit très faible. Sans qu'on ait de Ouais. chiffres exacts, on se dit, voilà, la probabilité est très très faible. En réalité, la probabilité pour une assemblée de 30 personnes est de 70,6%. Donc, elle est juste énorme. Ouais. Ah ouais, effectivement, ouais. Et il y a le détail, Nicolas Gauvry a publié sur son blog, en début de semaine, genre lundi, le détail du calcul des combinatoires, des statistiques pour arriver à ce résultat. Je pense qu'on pourra mettre le lien dans les notes de l'émission. Ouais, bien sûr. Comme ça, tout le monde pourra aller voir ce que c'est. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce résultat, ça démontre vraiment à quel point il ne faut pas se fier à son intuition pour faire des raisonnements scientifiques. Si tu te bases juste sur ton intuition, bah, tu peux pas arriver. Alors que tu fais un bête calcul de combinatoire, enfin, lui, il trouve que c'est assez bête. Moi, j'ai dû me remettre un petit peu dedans pour réussir à le comprendre. Mais disons qu'en faisant, en faisant un calcul de statistique et de combinatoire, tu arrives très vite à la conclusion que finalement, c'est pas un événement rare. Et c'est un événement, enfin, un élément qui est utilisé par des gens pour faire croire à des coïncidences qui en fait n'en sont pas dans des assemblées. Et puis voilà, à attirer des foules de crédules dans leur sillage. Et donc, en fait, dans ce livre, il parle d'une part de numérologie, comme tu as dit, et à côté, il propose aussi quelques exemples, comme celui d'anniversaire, pour montrer que des cas de figure comme ça, finalement, sont beaucoup plus probables de ce que l'on veut bien imaginer. C'est un peu ça la structure du livre. Voilà, enfin, il prend toute une série de croyances ou de faits qui sont utilisés par des charlatans autour des nombres. Donc que ce soit de la psychologie généalistique, je sais plus comment ça s'appelle maintenant. Donc ça fait appel justement à ces coïncidences, soi-disant coïncidences sur les dates, qui en fait n'en sont pas, ou des choses comme ça. Puis il les démonte petit à petit, de manière assez simple. Il y D'accord, a un autre. Oui. je me demandais s'il s'en prend à tous les nombres qu'on a chargés de sens, comme le 666, ce genre de choses. Il les démonte Alors, aussi. tu m'ôtes les mots de la bouche, parce que je voulais précisément parler du 666, D'accord, c'est parfait. Qu'on trouve effectivement dans notre culture, mais il y a d'autres nombres qu'on trouve soit dans la Bible, soit dans le Coran, que ce soit le 7, etc. Et de la symbolique des nombres. Alors, en l'occurrence, lui, il parle de cette symbolique, puis de la puissance symbolique dans son livre. Moi, c'est pas tout à fait de ça que je voulais parler. C'est que le fameux 666, selon l'interprétation biblique, ça pourrait être le code d'un nom d'une personne, etc. Donc, il y a des tas de gens qui ont essayé de trouver qui pourrait être la bête ou l'incarnation de la bête. Donc, ils ont torturé des noms, par exemple, comme des personnages comme Hitler ou comme César, etc. Puis ils ont essayé de leur faire dire, via la numérologie, que c'était un 666, alors que d'autres personnes ne le sont pas. D'accord. Puis Puis j'imagine qu'avec en fait, suffisamment d'acharnement, on arrive à faire dire ce qu'on veut, c'est ça? exactement, le principe de base, c'est que plus on cherche, plus on va trouver. Je cite un petit passage de son livre. Les formules étranges proviennent de deux sortes de découvertes. Celle d'obsédés du 666, qui torturent les nombres des heures durant pour leur faire admettre un 666, et celle fortuite des gens qui calculent toute autre chose et s'amusent de 128 ou 302, mais n'en parlent à personne. Ouais, on a juste une petite coupure, C'est exactement mais ça. je crois que ça a été, on t'a compris, je crois. Ouais. Donc effectivement, le problème, c'est bien ça, c'est que ben, à partir du moment qu'on cherche quelque chose, on va le trouver. On pourrait faire ça avec des tas d'autres nombres, ça marcherait tout autant. D'ailleurs, bon, on en reparlera à la fin de l'émission dans les news. Dont on va parler, on va parler du fameux 21 décembre, donc 21-12-2012, qui est soi-disant annonciateur d'une grande apocalypse. Bon, on en reparlera à la fin de l'émission. Ouais, 3 jours avant Noël, c'est pas très pratique cette histoire. Je sens que les magasins vont être bondés au lendemain de la fin du monde. Mais bon. Et pour rebondir sur le dossier 27 de la suite de Fibonacci dont Mathieu avait parlé, c'est en fait le même problème qu'il y a quand on cherche le nombre d'or un peu partout, dans des coquillages, des pommes de pin, des galaxies spirales, etc. On va fatalement finir par le trouver. Le seul problème, c'est qu'il faudrait regarder toutes les autres fois où on ne l'a pas trouvé pour voir si effectivement, statistiquement, ça a du sens. D'ailleurs, Et donc, les comptes. suite à ce dossier, on nous avait tweeté, je suis en train de le rechercher là, mais ouais, je crois que c'était Brainfish qui nous avait fait remarquer que je retrouve pas le tweet là sous la main, mais il nous avait fait remarquer qu'en fait le nombre d'or ne s'inscrit pas aussi systématiquement qu'on veut bien le croire dans les coquilles d'un coquillage. Ça ne suit pas forcément la spirale logarithmique dont on avait parlé. Ouais, parce que le principe, c'est justement qu'on ne fait attention, qu'on ne relève que Dans les les cas où fois ça où ça a marche. marché. Ouais. Et les fois où ça n'a pas marché, on a tendance à les oublier. Voilà. C'est le fameux biais de confirmation dont Nicolas Gauvry parle. J'allais le dire, c'est toi qui m'enlèves les mots de la bouche cette fois. Une fois n'est pas coutume. Absolument. OK. Mais il y a une explication relativement rationnelle à tout ça, et il ne faut pas du tout s'inquiéter de ce fait. Moi, je reciterai encore une fois Nicolas Gauvry, qui dit: reconnaître à tort une coïncidence comme importante alors qu'elle ne l'est pas, n'a pas généralement les mêmes conséquences dramatiques que l'erreur inverse, qui consisterait à ne pas noter une coïncidence signifiante. Exemple: plus vite l'homme préhistorique fait le lien entre un cri perçant et l'apparition d'une grosse bête carnivore, et plus il a de chances d'échapper à ses crocs impitoyables. Ainsi, une version darwinienne donne une raison simple et rationnelle à une erreur dont nous sommes tous victimes. Ah ouais, joli, ouais. Ouais, c'est juste. Donc c'est vraiment, c'est des erreurs qu'on commet tous naturellement, possiblement à cause de l'évolution. Mais voilà, c'est pas grave de se faire piéger par ça, c'est même assez normal. Il faut juste après essayer d'être vigilant, puis de pas retomber dans ces pièges-là. Ouais, c'est ce qui n'est pas évident, effectivement. Il parle dans son livre du fameux effet Barnum, dont il avait parlé dans son podcast. Oui, il en Ça dit parle un quelque peu, ouais, chose? tout à fait. Ouais. Oui. L'effet puits. L'effet puits, c'est ça? Alors, en fait, j'ai un vague souvenir de l'effet Barnum, mais ça m'avait parlé. En fait, on aurait tendance à rechercher. À valider tout ce qu'on lit qui nous concerne et qui nous donne une bonne image de nous-mêmes. C'est une des justifications du fonctionnement de la numérologie, mais de toutes ces formes de ces différentes pseudo-sciences qui s'appuient sur des explications arbitraires pour donner des explications arbitraires. Tout ce qui est test de personnalité, astrologie, ce genre de trucs. Ça fonctionne grâce à c'est une sorte de biais cognitif finalement, qui fait qu'on a envie d'être conforté, on a envie de lire, enfin de déceler dans ce type de messages des choses qui nous plaisent, quoi. Mais d'ailleurs, le fait Ouais. de, comme l'a expliqué Xavier, de croire à la signification de certains chiffres ou des choses comme ça, à la numérologie, je pense, à quelque part, ça doit être aussi un peu un biais cognitif qu'on a en nous. Et voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est évolutif et on l'a en nous et on a tendance à se faire attraper dans ces pièges-là. Et bon, on ne peut rien y faire, il faut juste essayer, comme tu dis, rester vigilant et puis de rester un peu. Cartésien dans l'analyse des phénomènes pour pas tomber dans tous ces pièges. Exact. Oui, il parle tout à fait de l'effet Barnum ou l'effet puits dans son livre aussi, du fait qu'on a tendance à chercher des confirmations plus qu'autre chose. Moi, ça a l'air bien passionnant. Et puis tout ça en 58 pages, alors effectivement, je vais me précipiter dessus. Bon, on le trouve pas Ça vaut la facilement dans le peine. commerce, hein. On le trouve sur le site de l'éditeur, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Il faut le commander en ligne, on ne le trouve pas dans les librairies apparemment, c'est un peu dommage, mais bon, c'est la vie. Est-ce que t'avais encore des choses à nous dire, Xavier? Oui, une dernière petite conclusion, reprise aussi de son livre directement, mot pour mot, comme ça je me foule pas trop, mais j'ai trouvé cette phrase assez intéressante. Ça va comme ça. La bonne question n'est pas pourquoi y a-t-il tant de coïncidences, mais plutôt pourquoi suis-je étonné par la quantité de coïncidences que je remarque, pourtant conformes à ce que prévoient les probabilités. Mais pas tout le monde connaît ce que prévoient les probabilités. Oui, mais on sait que notre mode de fonctionnement nous induit à penser des probabilités qui sont fausses, comme dans le cas de l'exemple du paradoxe des anniversaires. On a l'impression que la probabilité va être très faible, alors qu'en fait, elle est très élevée. Donc en fait, la problématique, c'est pas tellement pourquoi est-ce que la probabilité est élevée, c'est pourquoi est-ce qu'on pense qu'elle devrait être faible. Ouais, ça aurait fait une bonne quote, celle-là. Il faut la noter, Mathieu. Tu pourras la recycler. D'accord, bah je réécouterai l'émission puis je la noterai sur un petit bout de papier là pour une prochaine fois. Non mais j'en ai dernièrement, je tombe sur pas mal de quotes, je les mets de côté, il y en a des pas mal quoi. Celle d'aujourd'hui, je l'apprécie tout particulièrement, vous verrez. Bon, On se réjouit. Ok, ben merci bien Xavier pour nous avoir parlé de ce livre. C'est vrai que ça a l'air assez intéressant. Surtout, ouais, mais c'est vrai que moi ça m'intéresse pas. Moi je pense que je suis un des premiers à tomber un peu dans ces biais cognitifs aussi. Enfin, je suis de moins en moins, mais je suis comme tout le monde finalement. Puis c'est vrai que ouais, ça me plairait de lire ce livre pour essayer de me remettre un peu sur la bonne voie. Et de voir les Moi, ce que je choses trouve avec un peu de recul. vraiment important, c'est de se dire que finalement, enfin, tomber dans ces panneaux est tout à fait normal. Voilà, on fonctionne comme ça. Comme dirait Alan, on est câblé comme ça. Maintenant, ce qu'il faut réussir à faire, c'est à se distancier de ça, et surtout quand on fait des analyses scientifiques, que ce soit dans la science ou que ce soit dans la politique ou n'importe quoi, quand on met en avant un certain nombre de faits, il ne faut pas tomber dans ce genre de biais. Et puis, il faut bien expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on n'est pas, on est dans un résultat contre-intuitif. L'intuition ne fonctionne pas. Bon, on va en rester là alors, d'accord? Très bien, ben, merci bien. Tu restes avec nous pour la suite du podcast? Ouais, je serai là. D'accord. Magnifique, ben tu interviens quand tu veux. Alors, Ok. professeur Fon, tu nous as concocté un petit dossier pour aujourd'hui? Ouais, alors petit, je sais pas. En fait, je crois que j'ai dû battre mon record de longueur là. Mais le sujet était proprement passionnant. J'ai pas pu m'en empêcher. C'est un sujet qui a été demandé il y a quelque temps par Olivier Tripet. Et ben, ça m'a tout de suite branché. C'est les tests ADN. Voilà. Alors, parmi les technologies issues des découvertes scientifiques qui ont impacté en profondeur le fonctionnement de la société, je crois qu'on peut dire que les tests ADN tiennent une belle place parce qu'ils ont bouleversé plein de choses jusqu'au fonctionnement de la justice elle-même. Et l'avantage de l'ADN, c'est que pratiquement tout ce qui est vivant sur Terre laisse sa petite trace clairement identifiable, des bactéries aux baleines, en passant par les champignons, les plantes et les différents animaux. En 1997-97, un test ADN, un test de paternité en l'occurrence post-mortem, avait révélé qu'Yves Montand, décédé 6 ans plus tôt, n'était pas le père d'Aurore Drossard, qui clamait jusque-là être sa fille cachée, comme vous vous en souvenez sûrement. Une année plus tard, en 1998-98, à Seattle, aux États-Unis, à l'issue d'une enquête extrêmement compliquée, l'auteur d'un double meurtre a pu être arrêté grâce aux traces de sang retrouvées sur sa veste, et l'analyse ADN indiquait qu'il y avait une chance sur 350 millions que le sang retrouvé ne soit pas celui du chien du couple assassiné. Chien assassiné lui aussi, d'ailleurs, je mettrai le lien dans le dossier sur toute cette sanglante histoire. Bref, 15 ans plus tôt, ça aurait été totalement impossible et l'assassin serait probablement toujours en liberté. En 2010, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a pu reconstituer une grande partie de l'arbre généalogique de Toutankhamon au Caire en partant des restes d'ADN extrêmement fragiles qui avaient plus de 3000 ans. Et en janvier dernier, toute la presse du monde se faisait l'écho de la libération de Cornelius Dupri, innocenté au Texas, après avoir passé 30 ans derrière les barreaux pour un viol et un braquage qu'il n'avait pas commis. Donc grâce au test ADN. Selon les chiffres d'Innocence Project, une organisation qui se bat pour faire libérer les innocents injustement condamnés aux États-Unis, Cornelius est l'un des 271 cas de disculpation aux États-Unis depuis l'introduction de la méthode des tests ADN. Donc, ouais, c'est quand même un truc vraiment important, ces tests ADN. Il y a des vies qui sont en jeu, des destins qui sont bouleversés. Pour faire un petit lien avec l'actualité, j'imagine que Dominique Strauss-Kahn attend avec Ah impatience ouais. ses tests ADN. J'imagine aussi, effectivement. Donc, ouais, ces quelques exemples suffisent à donner une idée de l'importance et des enjeux des tests ADN. Et puis, bon, on va essayer d'examiner tout ça d'un petit peu plus près dans ce dossier. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que l'ADN? Alors, l'ADN, vous savez à quoi correspondent les initiales? Je vous fais un petit quiz comme ça à froid, je suis vache, hein. Oui. C'est acide désoxyribonucléique. Désoxyribonucléique. Oh, vous êtes trop fort. Ah, effectivement, c'est le petit nom de l'acide désoxyribonucléique. C'est la molécule présente dans toutes les cellules vivantes qui renferme l'ensemble des informations nécessaires au développement et au fonctionnement d'un organisme. Et puis, c'est aussi le support de l'hérédité parce qu'il est transmis lors de la reproduction de manière intégrale ou non. L'ADN porte l'information génétique et constitue ce qu'on appelle le génome des êtres vivants. C'est l'ADN qui va déterminer la couleur des yeux, des cheveux, la stature, la densité des os et de nombreux autres traits. L'ADN est très long. Le chromosome 1 humain, donc juste le premier chromosome, tout déplié, mesure à lui tout seul 8,3 cm. Je sais pas si tu vas en parler plus tard, mais le chromosome par rapport à l'ADN, le chromosome c'est une partie de l'ADN, c'est ça ou bien? Exactement. Ouais. Alors ça, je vais en parler plus tard. Et puis j'ai une métaphore magnifique. Je pense qu'à partir de là, on se rappellera tous du rôle du chromosome par rapport à l'ADN, par rapport aux gènes, enfin comment toutes ces choses-là Ok. s'articulent. Mais j'y viens tout de suite. Bon, si chaque cellule de notre corps est hautement spécialisée en fonction de son contexte, une cellule de foie, par exemple, ne fait clairement pas le même boulot qu'une cellule de cerveau. Leur noyau, cependant, contient un exemplaire complet de l'ADN. Et c'est vrai de toutes les cellules de notre corps, à quelques exceptions près. Les globules rouges du sang, par exemple, ne contiennent pas d'ADN. Ceci dit, le sang permet tout de même le test ADN grâce aux globules blancs. Et quel que soit le tissu biologique qu'on laisse sur le lieu du crime, bah, il contient de l'ADN, qu'il s'agisse d'un cheveu, d'un poil de nez, de salive, de sang, de sperme, même de pellicule. Chaque brin d'ADN. Je t'arrête de nouveau, excuse-moi. Vas-y, vas-y, arrête, arrête Mais toujours. lorsqu'on fait des tests ADN, il faut évidemment que la police ait une banque de données avec l'ADN registré de l'éventuel coupable, non? Absolument. Pour faire une comparaison. Mais si moi, par exemple, demain, je commets un crime, la police, enfin, j'imagine qu'elle n'a pas mes données ADN. Donc, même si elle retrouve des traces de mon ADN sur le lieu du crime, comment elle va remonter jusqu'à moi si elle n'a pas mes données ADN? Alors, elle n'a pas que ces outils-là, la police, pour trouver un suspect. Il y a les témoignages, enfin, il y a toutes les techniques classiques qui vont permettre d'identifier des suspects. Et puis, une fois qu'on a identifié les suspects, on va comparer leur ADN aux traces d'ADN qu'on a trouvées sur les lieux du crime. Pour autant qu'on ne les ait pas déjà trouvées dans une base de données, effectivement. Mais dans ton cas, si tu n'as jamais commis de crime, il n'y a pas de raison que la police soit au courant de ton ADN, effectivement. Pas encore. Qui sait. Donc, on va retourner un petit peu au détail de notre ADN. Chaque brin d'ADN est composé. Il faut qu'on entre un petit peu dans le détail pour bien comprendre comment ça marche, mais on va essayer de rester simple, hein. Chaque brin d'ADN est composé de nucléotides. Et chaque nucléotide est une combinaison d'acides phosphoriques, de sucre, le désoxyribose, et de bases azotées, sorte de lettres de l'alphabet du code génétique. En fait, on s'y réfère carrément comme si c'était des lettres. On utilise la lettre A pour l'adénine, T pour la thymine, C pour la cytosine et G pour la guanine. L'alphabet de la vie tient en quatre lettres. Moi, ça me fascine à chaque fois. Donc ce sont ces quatre bases azotées. Exactement, ouais. Donc on notera en passant que quatre lettres, ben, c'est deux fois plus que le code binaire informatique, qui est fait de 1 et de 0, qui permet déjà de faire pas mal de trucs lui aussi. Et pour décrire une séquence d'ADN en particulier, par exemple un brin contenant 20 nucléotides, ben on pourrait écrire ATTG, CCGT, ATGT, ATTG, CGCT, par exemple. Ça permet d'identifier ce brin. Ces bases azotées déterminent aussi la complémentarité entre les deux brins de la fameuse double hélice. Quand on a un A à gauche, on a forcément un T à droite, et vice-versa. Et en face d'un C, on a forcément un G. Donc, on peut facilement déduire un brin à partir de l'autre. On verra tout à l'heure pourquoi c'est intéressant. Donc, en gros, pour faire un petit résumé, je pense qu'on peut imaginer l'ADN comme une échelle dont les montants sont faits de sucre phosphate et les marches de deux bases, AT, TA, CG ou GC, reliées entre elles via un atome d'hydrogène. La plupart des séquences ADN fournissent les informations qui permettent aux différentes fonctions de faire ce qu'elles ont à faire, et la plupart de ces fonctions, comme les battements du cœur par exemple, ou l'échange d'oxygène et de dioxyde de carbone au sein des cellules, sont exactement identiques d'un individu à l'autre. Et si on compare les quelques 3 milliards de paires de nucléotides d'un génome donné, le tien par exemple Mathieu, avec celui de ton voisin ou avec celui de la personne la plus différente de toi à l'autre bout de la planète, dont vous penseriez ne rien avoir en commun, bah vous vous apercevriez que 99,999%, allez, à la française, 99,999% de votre ADN est exactement le même. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui fait qu'on est si différents les uns des autres, et même différents de ses propres parents. Bah, l'unicité génétique, c'est-à-dire le fait que notre ADN soit unique, sauf si on a un vrai jumeau, est le résultat de la reproduction sexuée, qui recombine de manière aléatoire les 0,001% de gènes qui nous distinguent les uns des autres à chaque génération. Et ces infimes différences sont assez faciles à traquer, en fait. Sont assez, pardon, difficiles à traquer. Elles étaient difficiles à traquer jusqu'en 1985, où une équipe de chercheurs de l'université de Leicester, en Angleterre, sous la houlette de Lord Alec Jeffreys, docteur en génétique, a mis au point une technique pour déterminer une empreinte génétique spécifique à chaque individu. Donc là aussi, dans les notes du dossier, il y aura un lien vers l'abstract de l'article original qui avait été publié dans la revue Nature, qui a tout changé cette année-là. Étonnamment, ces empreintes génétiques ne se basent pas sur les 2% de séquences ADN dites codantes, c'est-à-dire qui se traduisent en protéines. Et en protéines qui donnent des instructions spécifiques aux cellules, mais sur les séquences non codantes, qui constituent plus de 98%, 98% de notre patrimoine génétique, et qu'on connaît mieux sous le nom délicat d'ADN poubelle, ou junk DNA en anglais, parce qu'on a longtemps pensé que ça servait à rien. On est en train d'en revenir un petit peu, on s'aperçoit que c'est un peu plus subtil que ça. Enfin, ça fera sans doute l'objet d'un Ouais, ça autre. m'aurait étonné que 99% de l'ADN ne serve à rien. La nature, elle fait quand même bien les choses. Tu sais, la nature, elle a pas de plan. La nature, elle recycle, elle fait avec ce qu'elle a. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que ce 98% doit quand même servir à quelque chose. On sait juste pas encore à quoi. Alors, on va continuer de poser le décor, rentrer un petit peu dans le détail du patrimoine génétique. On va examiner les chromosomes, les locus et les allèles. Donc, le chromosome, les chromosomes sont les supports de l'ADN à proprement parler. L'être humain en compte 46, soit 22 paires homologues, ou autosomes, c'est la même chose, numérotés de 1 à 22, et une paire de chromosomes sexuels, XX ou XY. On a donc 23 paires de chromosomes, contrairement aux autres hominidés qui en comptent 48. Pour la petite histoire, dans la lignée humaine, deux chromosomes ont fusionné il y a quelques millions d'années. Le deuxième et le troisième, sauf erreur. Mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Le nombre de chromosomes varie grandement d'une espèce à l'autre. Le chien et la poule, étonnamment, en comptent 78, 78. Le pigeon en compte 16. Le chat 38. La vache 60. Le seigle 14. Le blé 42. La fougère 1200. Le crocus 6. Enfin bref, il ne faut pas essayer d'y trouver une quelconque logique. Je crois qu'il y en a juste pas. Alors, ma fameuse métaphore, là, pour bien comprendre comment est organisé notre patrimoine génétique, j'adore la métaphore qui est proposée par Matt Ridley dans un livre assez génial qui s'appelle The Genome, Autobiography of a Species in 23 Chapters, qui est un peu vieux, il date de 2000, mais il est vraiment bien. Donc, il nous dit, il y a 23 chapitres appelés chromosomes. Chaque chapitre contient plusieurs milliers d'histoires appelées des gènes. Chaque histoire est faite de paragraphes appelés exons qui sont entrecoupés de publicités, les introns. Et chacun de ces paragraphes est constitué de mots de trois lettres qu'on appelle les codons. Enfin, chaque mot est écrit avec des lettres appelées les bases. Alors, on vient de voir maintenant les chapitres ou chromosomes. On a vu il y a un instant les lettres ou les bases, donc les fameux A, T, C, G. Bon, on va garder tout ce qui se trouve entre deux pour un autre dossier, probablement. Mais enfin, je trouve intéressant de Et voir cette hiérarchie. si on reprend cette métaphore, l'ADN représenterait le livre en entier. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Le génome, c'est le livre en entier. Elle est excellente, cette métaphore. Bien, hein? Ouais, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, là on a vu le chromosome. Maintenant, un locus. Qu'est-ce que c'est qu'un locus? Un locus, c'est un emplacement physique précis et invariable sur un chromosome, justement. C'est comme une adresse sur un échiquier ou pour les utilisateurs de l'informatique, une adresse sur un tableur. Sauf qu'à la place de A3 ou C6, ben, on trouvera par exemple 6P21.3. C'est un exemple que j'ai piqué à Wikipédia. Donc 6P21.3, le 6 indique la sixième paire de chromosomes, le P indique qu'il se situe sur le bras court du chromosome, et le 21.3 révèle la position exacte du locus. Donc c'est le lieu où se trouve le gène, si vous voulez. Ensuite, un allèle, parce qu'on a un peu tendance à confondre locus, allèle et gène, et puis là, quand on parle de test ADN, c'est important de faire la différence. Donc, ce qu'on appelle les allèles, c'est les différentes versions d'un même gène. Là aussi, j'aime bien l'exemple de Wikipédia, très parlant. Il nous dit, dans le cas du gène déterminant le groupe sanguin, A, B ou O, situé sur le chromosome 9 humain, donc on nous donne même l'adresse, c'est 9Q34.1 et 9Q34.2. L'un des allèles A code la présence de la substance A, donc ça va déterminer le groupe sanguin A. Un autre B, la présence de la substance B. Et un troisième allèle, 0, O, ne codant pas d'enzyme actif, détermine chez l'homozygote OO, c'est-à-dire une personne qui a les deux gènes, le gène de la mère et du père qui est en O, ça va déterminer le groupe O. Donc en d'autres termes, un allèle, c'est une des valeurs possibles pour un gène donné. Pour reprendre une métaphore un peu informatique, c'est comme une liste déroulante dans un formulaire informatisé. Il y a différentes valeurs qui sont dedans, mais ce sera toujours la même liste. Donc voilà, les présentations étant faites, on peut maintenant passer au test ADN à proprement parler. Alors, dans l'ADN non codant, on trouve des petites séquences qui varient d'une personne à l'autre. On les appelle les STR, pour Short Tandem Repeats en anglais. Ça veut dire des séquences répétées en tandem. En français, ça a donné microsatellite. Il ne faut surtout pas me demander pourquoi. Donc, une séquence d'ADN poubelle typique ressemblera peut-être à TCAAGTCTT, CGGTTCAT. C'est un exemple que j'ai piqué dans un excellent bouquin, Genetics for Dummies, de Tara Rodden Robinson. Une courte séquence STR, donc Short Tandem Repeat, ressemblera plutôt à ceci. TCAT, TCAT, TCAT, TCAT, TCAT, enfin, etc. Vous avez compris. Donc, c'est une séquence où les quatre lettres se répètent un certain nombre de fois. Et Ah, le donc nombre. quand il y a une répétition, on parle de STR. Exactement, ouais. Et le nombre de répétitions trouvées dans des paires de STR sont des allèles, justement, et varient d'une personne à l'autre. Donc dans un même locus, un même emplacement, les allèles de la séquence STR ne seront pas les mêmes d'un suspect à l'autre. Ces variations sont appelées polymorphismes, donc poly plusieurs, morphe forme. Le polymorphisme naît d'erreurs dans le processus de copie des gènes. Donc, là aussi, pour la petite histoire, il y a souvent des erreurs de copie. C'est même un des moteurs du mécanisme de l'évolution. On appelle ça des mutations génétiques. Lorsqu'elles concernent des fonctions utiles, elles ne passent pas inaperçues. Dans la nature, soit elles sont favorables à la survie, comme par exemple, je sais pas, des dents plus longues, très utiles en certaines circonstances. Du coup, elles sont favorisées. Ou alors, elles ne le sont pas et se retrouvent éliminées par le mécanisme de la sélection naturelle. Ce serait le cas de dents trop courtes, par exemple. J'ai pas trouvé de meilleur exemple, mais il y en a tout plein. Mais enfin bref, dans de l'ADN non codant, bah, ces erreurs, elles restent simplement là, elles s'accumulent de génération en génération, elles changent encore, elles varient au fil des générations, et puis elles auraient continué de passer inaperçues jusqu'aux travaux de l'équipe de chercheurs de Leicester dans les années 80. Donc si on reprend notre polymorphisme, admettons que on va travailler là dans notre exemple avec un chromosome 1 virtuel qui n'a que deux locus, locus ou loci au pluriel, on peut dire les deux. Donc pour le suspect numéro 1, par exemple, on pourrait trouver qu'un marqueur STR sur le locus A a la même longueur dans les deux chromosomes. Donc souvenez-vous, à part les chromosomes sexuels chez le mâle, XY, tous les chromosomes viennent en paire. Il y en a un qui vient du père, un qui vient de la mère. Et on peut avoir des choses différentes, évidemment, entre les deux chromosomes. Donc notre suspect numéro 1, il est homozygote pour le locus A. Sur le locus B, Notre suspect numéro 1, toujours, aurait deux allèles de longueur différente. Là, il est hétérozygote sur le locus B. Maintenant, si on prend le suspect numéro 2, on va dire que lui, il a des allèles de longueur différente sur le locus A. Donc, contrairement au suspect numéro 1, il est hétérozygote pour le locus A. Donc, on sait déjà à coup à peu près sûr que le suspect 1 n'est pas le suspect numéro 2. Mais ça ne nous dit pas encore lequel des deux se trouvait sur les lieux du crime, évidemment. Et puis, on regardera quand même, chez notre suspect numéro 2, le locus B à tout hasard pour constater que le suspect numéro 2 a le même nombre de répétitions dans ses deux marqueurs STR et qu'il est homozygote pour le locus B. Tout le contraire de l'autre suspect, quoi. Voilà, on a compris le principe, on va regarder un petit peu les détails. Sur la scène du crime, d'abord. Donc, sur place, la police scientifique doit commencer par collecter des preuves. Donc, non seulement toutes les traces biologiques humaines, essentiellement du sang, de la salive, du sperme, des cheveux, comme on l'a vu, mais également des traces non humaines, comme des racines, des feuilles, le pollen des plantes. Bêtement, parce qu'on va peut-être en retrouver sur les habits d'un des suspects, indiquant qu'il se trouvait là, ou encore des poils ou du sang d'animaux. Pour collecter leurs échantillons, les enquêteurs doivent être extrêmement prudents parce que leur propre ADN peut se mélanger comme de rien à l'ADN laissé sur place par les différents protagonistes. Ils doivent porter des gants, des masques, éviter de tousser, éviter d'éternuer et bien sûr couvrir leurs cheveux. On l'a dit, on l'a vu, les pellicules contiennent aussi de l'ADN. Donc c'est vraiment vite arrivé une contamination, même en faisant très attention. Je peux t'arrêter ? Je t'en prie. Je ne sais pas si tu allais en parler. Il y a eu cette histoire qui a fait scandale. Je crois que c'était en Allemagne, mais je ne suis plus sûr, où il y avait le fameux tueur fantôme dont les tests ADN se retrouvaient partout. Et puis on se disait, mon Dieu, mais il y a un tueur en série qui est en train de sévir. C'est absolument terrible. Puis on ne sait pas qui c'est. Et donc on lui a attribué des dizaines de cas. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était de l'ADN d'une laborantine, je crois, qui fabriquait les éprouvettes qui servaient au test ADN. D'accord. Bah, tu sais, j'avais pas entendu parler de cette histoire, mais c'est vrai maintenant. Contamination, donc, avant même la prise d'échantillons. Donc, c'est durant la phase d'analyse, en fait. Enfin, la fabrication des choses qui servaient à l'analyse. Ouais. Il faudrait que je retrouve la source de ça. Bah, écoute, là, j'ai juste tapé dans Google et puis j'ai trouvé tout de suite un article qui en parle. Je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Ah, voilà. Voilà, c'est un article de L'Express qui date de 2009, 30 mars 2009. Quelle mémoire. Et titré... pas de tueuse fantôme, mais une erreur monstre. Donc, C'était en Allemagne, c'est ça ? C'était en Allemagne, ouais, absolument. Ouais. Ouais, bien vu, c'est exactement ça. Donc, quoi, il faut vraiment être extrêmement prudent. Et puis donc, on va retourner sur notre scène du crime. Donc, ces différentes traces biologiques, elles n'attendent pas suspendues en l'air dans des bulles que les enquêteurs les ramassent. Il faut encore les chercher activement, partout où c'est possible. Pour la salive, par exemple, on va la prélever sur les chewing-gums, sur des mégots de cigarettes, sur les enveloppes, les brosses à dents, les rasoirs. Il faut penser à tout, quoi. Même les Q-tips peuvent révéler des indices. Évidemment, le mieux, c'est de trouver du sang, parce que la plus infime gouttelette contient quelques 80 000 globules blancs, dont chacun des noyaux contient un jeu complet d'ADN. Accessoirement, il faut faire vite, parce que l'ADN, comme toutes les molécules biologiques, peut se dégrader. D'ailleurs, il existe une classe particulière d'enzymes, les exonucléases, qui a pour seul et unique but dans la vie de dévorer l'ADN. Et puis on en trouve évidemment partout de ces exonucléases, sur la peau, sur les surfaces qu'on touche, et tout particulièrement chez les bactéries. Donc les enquêteurs vont devoir très rapidement protéger leurs échantillons en les plaçant dans des conteneurs stériles et secs. T'as une idée de l'ordre de grandeur ? De combien de temps l'ADN peut rester stable avant d'être dévoré par des exonucléases ou s'abîmer ? Pas la moindre. Je pense qu'il y a un facteur chance qui est important. Mais on parle d'heures ou de minutes ? Tu viens de me donner des devoirs pour la semaine prochaine. comme ça, j'en sais rien. Je ferai un petit addendum la semaine prochaine avec cette question-là. T'as raison, elle est excellente. Donc, de retour au labo, les échantillons collectées, évidemment, ne contiennent pas que de l'ADN, ce ne serait pas du jeu, ce serait trop facile. Donc la première chose à faire va consister à extraire l'ADN de ces échantillons. Il y a plusieurs méthodes pour le faire. Antoine en avait démontré une, d'ailleurs, dans l'épisode numéro 4 de C'est pas faux. On mettra le lien dans le dossier. Ça s'appelait le corollaire de l'ADN. Ça se trouve à 9 minutes 54 de la vidéo, où on le voyait extraire son propre ADN. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais donc, en général, dans le laboratoire, on va respecter, quelle que soit la méthode, on va respecter les étapes suivantes. D'abord, on va ouvrir les cellules pour libérer l'ADN. C'est un processus qui s'appelle la lyse. Alors, rapide définition de notre ami Wiki. On détruit l'intégrité physique de la membrane plasmique des cellules par l'action d'un agent physique, chimique ou biologique. Donc, en d'autres termes, on casse la cellule pour l'ouvrir. On casse la cellule et la membrane qui entoure son noyau pour en sortir l'ADN. Ensuite, on va retirer les protéines qui constituent l'essentiel de l'échantillon prélevé en les digérant avec une enzyme. Et puis finalement, on va extraire l'ADN de la solution en y ajoutant de l'alcool. Une fois qu'on a pu isoler l'ADN, on l'analyse au moyen d'une technique appelée PCR pour Polymerase Chain Reaction ou réaction en chaîne par polymérase en bon français. Au début de la technique, on utilisait une autre méthode qui s'appelait RFLP, mais elle prenait beaucoup de temps et nécessitait des quantités importantes d'ADN pour fonctionner. Et selon les différentes sources que j'ai pu consulter, bah, elle n'est plus utilisée aujourd'hui du tout, donc on ne va pas en parler. Par contre, on va parler un petit peu de la méthode PCR. Donc on l'a vu, l'ADN c'est fragile. N'en avoir qu'un exemplaire serait non seulement extrêmement risqué, mais en plus, les techniques actuelles ont besoin de disposer de plusieurs exemplaires, voire plusieurs milliers d'exemplaires du même échantillon pour livrer leurs secrets. Donc le but de la méthode PCR consiste d'abord à répliquer à des milliers d'exemplaires le segment spécifique de la molécule d'ADN à étudier. Dans notre cas, des locus ou loci STR, afin de constituer l'empreinte génétique. Alors, petit mode d'emploi du PCR. D'abord, pour répliquer de l'ADN selon la méthode PCR, il faut commencer par séparer les deux brins de la double hélice pour accéder aux bases azotées, donc nos fameuses lettres ATCG, qui sont normalement protégées par l'acide phosphorique et le sucre. Donc en gros, elles sont protégées par les montants des échelles. Donc il va falloir, si on reprend l'image de l'échelle, il va falloir la scier chaque marche de l'échelle en son milieu, pour se retrouver avec deux demi-échelles dans le sens de la longueur. C'est un processus qui s'appelle la dénaturation. Et les liaisons hydrogènes qui relient les deux brins sont extrêmement solides, mais peuvent être défaites en faisant chauffer les molécules quasi au point d'ébullition à 100 degrés. Le reste des composants de la molécule reste intact. Du coup, on se retrouve avec deux brins dont les bases sont parfaitement accessibles. Chacun de ces brins correspond à une base différente qui s'emboîte, on avait dit, c'est ça ? Exactement, ouais. Et à la fin de la dénaturation, on refroidit la mixture et le processus d'hybridation peut démarrer. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Dans le double brin, justement, ça s'emboîte. Les A d'un brin sont toujours en face des T de l'autre et vice-versa, les C se mettent avec les G. Et chaque brin, du coup, peut servir de moule à l'autre. Et le O d'un brin doit correspondre au bas de l'autre. En fait, en génétique, on ne parle pas de haut et de bas, mais de polarité 3' et 5'. Mais bon, ça, pour ce que j'en ai compris, ça veut dire la même chose. C'est le haut et le bas de l'échelle. Et l'extrémité 3' d'un brin se trouve en face de la 5' de l'autre et vice-versa. Bref, ce qu'on va retenir, c'est qu'avec un seul brin, avec une demi-échelle, on peut reconstruire l'autre. Donc nos brins séparés vont servir de matrice pour la mise au point d'un nouveau double brin. On va leur fournir des extraits ADN complémentaires, appelés des amorces, qu'on aura préalablement marqués avec des teintures fluorescentes, de sorte que les STR de longueur similaire ne puissent pas être confondus les uns avec les autres s'ils proviennent de différents gènes. Une fois que les amorces ont trouvé leur segment correspondant, les TAC polymérases entrent en scène. Alors polymérase, c'est le P dans PCR. Les TAC polymérases sont des enzymes isolées à partir d'une bactérie. Là non plus, on ne va pas entrer dans les détails, c'est un peu compliqué, mais on va simplement retenir que ces polymérases vont permettre de construire les nouvelles molécules d'ADN. Cette partie du processus s'appelle extension. Donc les polymérases ajoutent des bases azotées à l'extrémité 3' d'un brin et à l'extrémité 5' de l'autre, en suivant l'ordre de la matrice. À la fin du processus, comme on travaille à plus basse température qu'à l'étape 1, les liaisons hydrogène nouvellement formées sont encore intactes et donc notre ADN cloné a bien deux brins. Donc à l'issue de ce premier cycle PCR, on a donc deux copies exactement identiques du segment STR qu'on souhaitait copier. Mais deux copies, ce n'est pas encore suffisant pour la détection de l'empreinte génétique par les lasers. Donc, il en faut des centaines de milliers pour que ça puisse fonctionner. Mais comme chaque cycle double le nombre de segments, en fait, ça va très vite. Après un deuxième cycle complet dénaturation, hybridation, extension, on a déjà 4 copies. Après 5 cycles, on a 32 copies. Puis après 30 cycles, on a 1,073,741,824 copies du STR cible. Bon, petite remarque, là on a fait tout notre calcul comme si on étudiait qu'une seule cellule à la fois. Évidemment, dans la vraie vie, on parle plutôt de quelques dizaines de milliers de cellules, ce qui donne quelques billions de copies à l'arrivée. Et on fait ça avec plusieurs locus, minimum 10 au Royaume-Uni, 13 aux États-Unis, et on a notre empreinte génétique. Alors après, il faut les lire, ces empreintes. Alors pour cela, on utilise un processus qu'on appelle électrophorèse. Excuse-moi, tu as dit qu'on faisait ça sur plusieurs cellules, non ? Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Mais donc, tu avais dit aussi avant qu'on a, par exemple, dans le corps humain, différents types de cellules qui n'ont pas forcément... Il y a un arrangement un peu différent, non ? Selon où je me trompe ? Non, l'ADN est toujours le même. Après, certains gènes vont être exprimés dans certains contextes, alors qu'ils vont rester silencieux dans d'autres. D'accord, voilà, c'est juste... Mais le patrimoine génétique, au départ, il est le même. Tu prends n'importe quelle cellule du corps et tu as des exemplaires complets de l'ADN. D'accord. Pour lire les empreintes génétiques, on va utiliser un processus qui s'appelle l'électrophorèse. En fait, c'est un processus qui exploite le fait que l'ADN soit chargé négativement. Donc, on va passer un courant électrique dans un gel et on y injecte l'ADN issu du PCR. L'ADN est attiré vers le pôle positif et les petits fragments STR se déplacent plus vite que les grands. Les STR, se trient en fonction de leur grandeur. Et parce qu'on a tagué les fragments avec une teinture fluorescente, un laser piloté par ordinateur est capable de les lire et de les stocker dans l'ordinateur pour les comparer à d'autres empreintes génétiques, qui sont soit comme tu l'as relevé tout à l'heure, Mathieu, prélevées sur d'autres suspects ou alors qui figurent déjà dans une base de données. Donc voilà, finalement, c'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple que ça, c'est tout relatif. Mais là, on a fait le tour du processus. C'est comme ça que ça marche. On peut se demander combien de temps ça prend, parce que c'est vrai qu'à regarder les séries américaines où tu as les résultats du labo après 30 secondes et tu sais tout de suite qui est l'assassin, on est un peu biaisé. Surtout qu'ils vont prendre les échantillons d'ADN sans être protégés, comme tu as dit avant qu'il fallait faire attention de ne pas contaminer. Ouais, et puis un petit coup de filet, on sait tout. Alors en réalité, c'est un petit peu plus long. Mais encore que, moi, je trouve ça étonnamment rapide, quoi. L'ensemble du processus, tout ce qu'on a décrit là, l'une dans l'autre, n'aura pas duré plus de 24 heures. On est loin des séries américaines avec leurs 30 secondes, mais enfin, moi, ça me paraît déjà pas mal. Ouais, non, c'est rapide. Ouais. Alors, la question suivante qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est fiable ? Alors, là, c'est important de garder à l'esprit qu'on parle toujours d'une probabilité, et cette probabilité n'est jamais de 100%. Pour cela, il faudrait que l'intégralité des deux génomes comparés soit identique et pas juste quelques locus. Et puis évidemment, il faudrait aussi qu'on soit absolument assuré qu'il n'y ait pas de risque de contamination, de destruction de l'ADN, etc. Donc il y a toujours, toujours, toujours un risque d'erreur. Donc à ce stade, je dois faire un nouveau petit crochet dans mon récit. Je vais vous emmener en Angleterre en avril 1999, il y a 12 ans. À l'époque, on y réalisait les tests ADN sur 6 locus seulement. Et la police a retrouvé de l'ADN sur les lieux d'un cambriolage. Il se trouve que cet ADN matchait avec l'un des 700 000 échantillons contenus dans la base de données de l'époque. Et ni une ni deux, la police se pointe chez le suspect, elle arrête manu militari. C'était un homme malade de Parkinson, à un stade très avancé, il pouvait à peine s'habiller tout seul, et il semblait vraiment peu vraisemblable qu'il soit allé jouer les cambrioleurs à 300 km de chez lui. Mais bon, c'est un détail qui n'a frappé personne, parce que la science avait parlé, le suspect avait beau clamer son innocence et disposé d'un alibi en béton armé, le test ADN avait parlé, le risque d'erreur n'était que d'un sur 37 millions, donc direction prison, où il est resté pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que son avocat obtienne un nouveau test ADN, qui soit réalisé cette fois sur 10 locus et pas sur 6. Et bingo, si les 6 premiers allèles étaient identiques entre l'ADN de l'accusé et l'échantillon trouvé sur place, bah les 4 suivants, en revanche, n'avaient absolument rien à voir. Et c'est depuis ce cas retentissant que le Royaume-Uni utilise 10 sites et non plus 6 pour ses tests ADN. Et les États-Unis sont allés un peu plus loin, même ils en utilisent 13, ce qui réduit le risque d'erreur à 1 pour 53 quintillions. Alors je ne suis même pas sûr que le mot existe en français. C'est 53 suivi de 18 zéros. Ah ouais, quand même. Voilà. Ouais, là, je crois qu'il y a quand même peu de chances de se tromper. Effectivement, mais enfin, bon, ça c'est pour les maths, mais il y a quand même d'autres sources d'erreurs comme la contamination, par exemple, l'exemple que nous a donné Xavier tout à l'heure. Et puis, ben, il faut garder à l'esprit que les virus et les bactéries sont absolument partout, arrivent à se jouer de nos systèmes immunitaires qui sont plutôt super élaborés. Donc, on peut très bien imaginer que le pauvre échantillon d'ADN collecté tout seul, sans défense, sans système immunitaire, soit très très facilement contaminé. Bref, bon, la méthode est fiable quand même, hein. C'est sans doute ce qu'on a fait de plus fiable depuis l'invention du concept de justice. Mais enfin, malgré tout, une petite erreur n'est jamais complètement exclue. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Là, je me suis essentiellement concentré sur les tests utilisés en médecine légale, enfin chez la police scientifique. Pour les tests de paternité, je vais quand même en dire deux mots rapidement, avant de presque conclure. On l'a vu, chaque chromosome a deux emplacements identiques. L'un provient du père, l'autre provient de la mère. Alors pour les tests de paternité, on va utiliser exactement la même technique qu'on vient d'évoquer, mais simplement on va y chercher des résultats un peu différents. C'est-à-dire que si systématiquement l'un des deux allèles est identique pour les extraits comparés, ça peut être n'importe lequel, hein, à gauche ou à droite, du moment qu'il y en a un sur les deux qui est identique, eh ben, il y a un rapport de filiation d'une génération. C'est aussi simple que ça. Voilà, alors demain, les tests ADN. Parce que jusqu'ici, ces tests sont en somme une extension de la technique des empreintes digitales. On va comparer les traces trouvées sur la scène du crime avec une base de données de traces laissées par des suspects. On fait le lien entre les deux et puis c'est comme ça qu'on arrive à matcher. Bah, demain, les tests génétiques pourraient carrément aller un peu plus loin et avoir un effet prédictif en établissant des portraits robots sur la base d'un prélèvement ADN. C'est en tout cas l'objectif que s'est fixé le docteur Mark Shriver de l'Université d'État de Pennsylvanie, qui pense être en mesure de produire la photo de quelqu'un une fois que son équipe aura pu identifier 500 marqueurs faciaux et 500 marqueurs d'hérédité. De ce que j'ai compris, il a encore du boulot. Pour le moment, marqueurs de la peau, mais enfin, c'est un début. Mais quand tu dis 500 marqueurs faciaux, pendant des prélèvements sur la peau, comme ça, du visage. Non, pas du tout, c'est dans les gènes, puisque tout ça est encodé dans les gènes. On doit pouvoir le décoder a priori, comme on décode comme Ouais. un parseur va décoder un code informatique, Ouais, si donc on savait lire le génome. Ok, donc n'importe quel gène que je peux avoir dans le corps, même il aura un marqueur facial. Ouais. Exactement. Le problème, c'est Mais qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien les décoder encore. il y a un truc qui me paraît quand même étrange, c'est que je sais que par exemple pour les empreintes digitales, la forme de tes empreintes digitales et justement ce pourquoi elles sont uniques, c'est pas un facteur génétique, ça dépend des pressions subies pardon, durant la grossesse. Autrement dit, c'est des facteurs environnementaux. D'accord. Donc, est-ce que la forme de ton visage n'aurait pas aussi un impact en fonction de ton environnement, notamment durant la grossesse? Autrement dit, quelle est la fiabilité d'une telle méthode de portrait robot? Oui, effectivement, puis on l'avait vu dans le dossier sur l'épigénétique, hein, avec un génome identique, on peut quand même avoir des manifestations génétiques qui sont différentes. Donc je suis d'accord avec toi. Hein. Je pense c'est encore un peu de la science-fiction. Et puis quand on y arrivera, quand on saura décoder parfaitement le génome et si ça se trouve en temps réel, bah après il y aura encore un facteur risque lié aux influences environnementales qu'il faudra prendre en compte, très clairement. Ouais. Alors, juste pour faire le point sur où on en est, à ce niveau-là, depuis le début de l'année, vous l'aviez peut-être vu, une équipe de chercheurs hollando-polonais est capable de prédire la couleur des cheveux de n'importe quelle personne en se basant sur 13 marqueurs présents dans 11 gènes. Alors, le taux de fiabilité de la prédiction est de plus de 90, 90% pour les cheveux roux ou noirs et de 80% pour des cheveux blonds ou châtains. Et la même équipe avait déjà mis au point l'année dernière une méthode permettant d'estimer l'âge d'une personne à partir de quelques gouttes de sang, pardon, ainsi qu'une méthode de prédiction de la couleur des yeux. Donc petit à petit, on s'approche quand même, hein. Mais Oui. alors je suis surpris, je veux bien la couleur des yeux, la couleur des cheveux, mais l'âge, Ouais. ça me surprend alors. L'âge. Alors écoute, pour ce que j'avais lu du dossier, c'est en se basant sur les télomères. Tu sais qu'il y a. Donc, les télomères, c'est ce qu'on trouve à l'extrémité de chacun des chromosomes. Et puis, à chaque copie des chromosomes, il y a une erreur de copie. En fait, le télomère est un peu raccourci. C'est comme des marges qui deviendraient de plus en plus grandes à chaque photocopie si tu as un défaut de départ dans ton modèle d'origine. Et puis c'est là-dessus que se portent la plupart des recherches sur le vieillissement, en fait, parce qu'on se rend compte que si on arrivait à reproduire les gènes sans cette erreur de copie des télomères. Et puis il y a notamment une enzyme, si j'ai bonne mémoire, mais enfin là c'est nouveau de tête tout ça, hein. Je risque de dire des bêtises, mais sauf erreur, la télomérase permet d'inverser cet effet du vieillissement sur les télomères. Il y a pas mal de recherches sur des souris actuellement chez qui on a réussi à inverser le processus. Mais bon, en ce qui concerne les êtres humains, c'est de la musique d'avenir. Et bon, accessoirement, je ne sais pas si ce serait forcément une très bonne idée de vivre éternellement. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Pas du possiblement, enfin moi. Ah, on a des petits problèmes là, on t'entend pas bien. Ouais, on t'entend pas très bien, Xavier. Voilà. Voilà, là, c'est Ouais, ça parfait. va mieux comme ça? Ouais, c'est nickel. Donc je disais, je suis pas sûr que ce soit des erreurs de copie, ce raccourcissement du télomère. Il me semble avoir lu que ça fait partie du mécanisme cellulaire qui détermine, la mort de la cellule. Donc ça fait partie du processus de L'apoptose. vieillissement et de vie et de mort de la cellule. Ouais. C'est possible. Enfin, tu sais, je devrais pas me lancer comme ça sans préparation. C'est des trucs que j'ai lus et puis j'en garde un souvenir un peu approximatif. Ça vaudrait la peine qu'on fasse un sujet carrément là-dessus, quoi, Mais ça veut sur le dire que vieillissement, chez sur tous les l'apparition du télomère. individus, ce télomère, se réduit dans les mêmes proportions, et au même rythme, si on peut déterminer l'âge, Non. à partir de la Non, il y a des réduction de ce. facteurs aggravants. Ouais, donc c'est pour Je ça sais que notamment que. la. Oui. Non, non, vas-y, vas-y. Ouais, non, t'allais parler du tabac, par exemple. Voilà, exact. Ouais, ouais. C'est un Qui excellent exemple. exactement, ouais. Mais bon, on y reviendra. Je pense que c'est une très bonne idée de faire un sujet sur les télomères, mais avec la préparation qui s'impose. Donc voilà. Bon, bah, c'est l'utilisation de ce genre de techniques, c'est encore un peu de la science-fiction aujourd'hui. Typiquement, on n'a pas identifié les marqueurs qui déterminent la forme du visage, par exemple. Et puis, ben, quid de l'influence de l'âge ou de l'environnement sur l'expression des gènes? Des cheveux qui sont génétiquement programmés pour être roux ou noirs, est-ce qu'ils existent encore chez l'individu en fonction de son âge ou pas? Est-ce qu'ils sont déjà blancs? Enfin bref, il y a quand même pas mal d'incertitudes. Et puis, les gènes ne nous apprennent rien sur les choix potentiels en termes de shampoing colorant, évidemment. Donc, bah, voilà, en fait, je suis arrivé au bout de mon dossier. Il y aurait encore évidemment des milliers de choses à dire, mais là, je crois que j'ai battu officiellement mon record du monde de longueur pour un dossier de podcast science. Donc, on va arrêter de saouler les gens, on va en rester là pour cette fois, mais le dossier reste ouvert. Je crois qu'on a identifié comme ça quelques sujets sur lesquels il faudra qu'on revienne. Ouais, moi ce qui m'a Ce plu, sera c'est avec plaisir. que ça avait été toujours un peu de mon côté assez confus, ce qu'était l'ADN, comment le gène s'intégrait dans l'ADN, ce que c'était un chromosome vis-à-vis de l'ADN et des gènes. Et donc si j'essaye de résumer ce que tu nous as dit là dans ta métaphore, si on représente l'ADN par un livre, les chapitres du livre sont les chromosomes. Et les histoires racontées dans ces chapitres sont les gènes, et les lettres utilisées pour écrire ces histoires qui sont les gènes sont les bases, donc sont ces quatre bases, ces quatre lettres un peu de l'alphabet génétique qui sont l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Exactement. Ah bah tu suis, dis donc. Mais C'est un plaisir d'avoir un public pareil. ouais, mais Magnifique. j'ai entendu, c'était hier ou avant-hier justement, aussi un podcast qui parlait un peu d'ADN et tout ça. Et moi, ce qui m'avait marqué dans ce podcast, c'est que finalement, ces quatre lettres génétiques, donc ces quatre bases, adénine, thymine, guanine, cytosine, elles sont les mêmes chez tous les animaux. Donc, de la plus petite bactérie monocellulaire à l'animal le plus évolué comme l'être humain, on a tout l'ADN est codé par ces quatre mêmes bases. C'est impressionnant, ça. Ouais, il y a une toute petite exception, c'est chez certains virus qui n'ont pas d'ADN mais de l'ARN. C'est de l'acide ribonucléique. Et puis là, le T est remplacé par un U. Je sais plus ce que ça veut dire. Mais voilà, c'est parce qu'en fait, ils n'ont qu'un demi-brin, si tu veux, d'ADN à la place d'avoir les deux. Et puis c'est pour ça qu'ils doivent se fixer. En tant que parasites sur d'autres organismes, parce que tout seuls, ils ne peuvent pas vivre. D'accord. Donc, c'est pour ça aussi qu'on dit que certains virus, ce n'est pas vraiment des êtres vivants, quoi. C'est plutôt une espèce d'entre-deux. Autrement, effectivement, tout ce qui est vivant sur la planète est codé avec le même alphabet. Ce qui tend à faire remonter la vie à une origine unique. Et la diversité qui existe aujourd'hui s'expliquerait simplement par enfin la biodiversité s'expliquerait simplement par les différents mécanismes de l'évolution. Mais on serait tous partis d'une espèce de bactérie au départ. Wow, bon. Pour revenir sur les erreurs, il y a un article que j'ai pas lu de Jean-Marc Manhac. Qui s'appelle Quand les experts se trompent, et ça parle justement de tous les tests ADN. Je sais pas si tu l'as lu, Alan. Non, non, ça me dit rien, je suis pas tombé dessus. Non, moi non plus, mais l'auteur, j'ai déjà un peu entendu parler de lui. Il écrit sur Oui, Internet connaissant Actu des le. fois, hein. Il est pas mal sur la confidentialité des données, des choses comme ça, c'est juste. Ouais, Bug Brother, c'est lui. Et il a fait tout un article, enfin une petite enquête comme ça, même une grosse enquête, je crois, que j'ai pas lu, mais que j'ai quelque part dans mes bookmarks. D'accord, C'est ouais, bien. je l'ai retrouvé aussi. C'était effectivement le titre exact, Quand les experts se trompent, par Jean-Marc Manhac, et c'est sur Internet Actu. Vous êtes bons, les Ah gars. bon? C'est impressionnant. Ok, on mettra le lien aussi dans les notes de l'émission. Ouais, écoute, moi ça m'a bien éclairé en tout cas. Ouais. Ouais, très joli dossier. Très joli dossier. Merci, merci. Bon, il faudra qu'il passe à la moulinette des biologistes encore. Je m'attends à des commentaires parce que c'était. Voilà, il y a peut-être quelques bricoles. On verra. Affaire à suivre. En tout cas, on rouvre le dossier sans hésiter. Ok, merci bien. Bon, on va pour pas faire une émission de 2 heures, on a encore deux trois choses à dire. On va tout de suite enchaîner, je crois. Bon, on va revenir sur deux trois news et deux trois choses qu'ont partagé les poditeurs avec nous. Alors pour commencer, tu te rappelles, on avait fait il y a quelques épisodes un podcast sur la chimie pour les nuls et on avait invité Marc Montangero nous parler de ses vidéos de comment faire des petites expériences chimiques avec du matériel de la maison. Absolument. Et Lucie, elle a fait une illustration à ce sujet. Et une illustration liée un peu justement à la cuisine et à la chimie de la cuisine et des aliments qu'on aime bien. Et alors il a donné une petite réponse sur les questions qui se posaient dans l'illustration de Lucille. Alors je lis tel quel ce qu'a répondu Marc Montangero. Donc chère Lucille, merci beaucoup pour cette illustration. Voici quelques réponses. La composition du Nutella est indiqué sur l'étiquette. Une partie de son secret est de contenir les ingrédients nécessaires à la production du chocolat, qui est extrêmement addictif. C'est en effet un excellent antidépresseur et il a la particularité de fondre à une température très proche de celle du corps humain, ce qui permet de libérer les arômes au bon moment. Il y a donc une histoire neurologique derrière l'addiction au chocolat et donc au Nutella. Il nous dit aussi qu'il nous parle aussi de l'huile et du vinaigre qu'il a tiré de l'illustration de Lucille. L'huile et le vinaigre, donc le vinaigre est composé à 95% d'eau, ne se mélangent pas volontiers. car l'huile est formée de molécules très longues, ce qui lui confère la propriété d'être hydrophobe. Pour les détails, il faut suivre un cours de chimie de première année de gymnase ou de lycée en France. Comme le vinaigre, principalement constitué d'eau, est évidemment hydrophile, les deux ne sont pas faits pour s'entendre. On peut toutefois y arriver par l'intermédiaire de molécules particulières que l'on appelle des tensioactifs, qui sont de longues molécules dont une extrémité est hydrophile et l'autre hydrophobe. Ces molécules vont se lier d'un côté à l'eau et de l'autre à l'huile, permettant ainsi de solubiliser l'un dans l'autre. On trouve ce genre de molécules dans le jaune d'œuf ou la moutarde, raison pour laquelle on utilise de la mayonnaise ou de la moutarde pour la sauce à salade. Les savons sont constitués de tensioactifs, puisque le but est précisément de dissoudre les taches de graisse. Mais il faut avouer que c'est franchement moins bon que dans la sauce à salade. Bon, il n'y a pas tout On est tort. d'accord. Encore que pas toujours. Ça dépend de la sauce à salade. Et pour les œufs battus en neige dont tu avais parlé, Lucille, l'idée est la suivante. Le blanc d'œuf contient de l'eau et des protéines, des assemblages de molécules qui forment une énorme molécule que l'on appelle polymère. En battant le blanc, on incorpore de l'air dans le blanc. Les protéines se déroulent et on forme une mousse qui est en fait des bulles d'air dont la surface est de l'eau maintenue par les protéines. Pour faciliter la formation de la mousse, il faut ajouter une pincée de sel qui aide les protéines à se dérouler. Les expériences réalisées par le chimiste Avait-il Hervé Tisse ont montré deux phénomènes intéressants. Premièrement, si l'on bat des blancs qui sortent du frigo, le temps de battage est divisé par 4 par rapport à des blancs que l'on a laissés à température ambiante. Deuxièmement, le volume de mousse est d'environ un quart de litre par blanc. Une fois ce volume atteint, il suffit d'ajouter une cuillère à soupe d'eau et de battre à nouveau, jusqu'à stabilisation du nouveau volume plus grand qu'avant. On peut ajouter de l'eau jusqu'à atteindre un volume d'environ 1 mètre cube pour un seul blanc d'œuf. Si c'est trop compliqué, on peut simplement décapiter des têtes de choco et piocher le blanc dedans. Donc, pour ceux qui connaissent pas les têtes de choco, c'est un petit chocolat rempli de blanc d'œuf qu'on trouve en Suisse. Et voilà, il conclut en nous disant « Restez connectés sur mon site, il y a encore quelques expériences en rapport avec la cuisine. Ouais, bah c'est bien cool. D'ailleurs, on peut redonner le lien. C'était chimie.ch/nul, je crois, hein? » Ouais, je crois que Ouais, c'était ça. il me semble Je suis aussi. pas à 100% sûr, mais je crois que Ouais, c'était ça. justement. Ouais, si, c'est ça. C'est ça. Chimie.ch/nul. Il y a un nouvel épisode chaque samedi. C'est chaque fois aussi bien. C'est vraiment bien. Ça vaut la peine de suivre ce vidéoblog. Pour continuer les news, alors Xavier Agnès, comme d'habitude, une news que tu as partagée avec nous. Bon, on ne pouvait pas la rater celle-ci parce qu'on a beaucoup parlé sur le lancement de la navette Endeavour. Donc la NASA a lancé, c'était lundi si je ne me trompe Ah, pas. T'es là? on Oui? t'a perdu un petit peu là. Ah. Ouais, effectivement, il y a eu quelques petites coupures. D'accord, non, je disais, je revenais sur le lancement de la navette Endeavour qu'a effectué la NASA là, au début de la semaine. Et donc l'engin a entamé son dernier Grand voyage moment. avant de prendre sa retraite vers la station spatiale internationale. Et ce dernier voyage d'Endeavour a pour objectif d'acheminer jusqu'à la station spatiale le fameux, on en a déjà parlé plusieurs fois, le fameux spectromètre magnétique Alpha 2. Donc un appareil permettant d'étudier l'existence d'antimatière et la nature de la matière noire invisible. Donc comme on l'a déjà dit, il y a un problème pour les physiciens, c'est qu'il y a l'antimatière, il y a un manque d'antimatière par rapport à la matière. Donc l'antimatière, c'est en fait que chaque particule qu'on connaît a une particule, une antiparticule. Donc l'électron qui est chargé négativement aurait une antiparticule, le positron chargé positivement. Et en fait, on constate que dans l'univers, il y a une asymétrie qui s'est produite, il y a un déficit d'antimatière, on ne les voit pas tellement, ces antiparticules. Et aussi la matière noire dont on avait parlé, donc cette matière noire qui semble maintenir à une vitesse plus élevée, qu'on a l'impression de ce que la matière observable devrait permettre, les étoiles autour d'une galaxie. Donc voilà, cette navette Endeavour, ça a pas mal tweeté cette semaine là autour. Là, je crois qu'elle a fait l'arrimage sur la station spatiale, si je me trompe pas. Exact. Et donc voilà, peut-être juste pour revenir sur la 2 petites secondes sur la matière noire, tu te rappelles, on avait dans l'épisode de la semaine passée, t'avais mentionné rapidement que Thibault Lacroix avait partagé un article de Science et Vie Absolument, ouais. sur des théories un peu alternatives, on va dire, à celles de la matière noire. Entre autres, il se base. Alors ça, c'est intéressant. Bon, c'est un article que j'ai trouvé bien vulgarisé, très facile à comprendre. Bon, je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus, mais si vous avez l'occasion de retrouver cet article dans Science et Vie, je vous le conseille. Entre autres, on parle de la théorie monde et de la loi de Tully-Fisher, qui semble décrire une relation proportionnelle entre la masse d'une galaxie et la vitesse de ses étoiles. Enfin bon. Donc ça c'est Thibault Lacroix qui nous avait partagé cet article de Science et Vie, et il nous a aussi envoyé cette semaine un PDF qui est un manuel d'introduction à la physique des particules. Donc un PDF qui semble très très intéressant, pas mal de maths, donc il faut quand même avoir un peu les bases. Mais il passe en revue tout plein de choses physiques que j'aime beaucoup. Et donc voilà. On leur Bah, remercie. voilà, une source d'inspiration pour Mathieu. Voilà, exactement. On publiera le lien vers le PDF sur le site. Une Il est autre. dans ma liste de lecture aussi. Ouais. Mais bon, Je ça a crois l'air que quand j'ai même le assez temps. costaud, hein. Faut des bases de maths, hein. C'est pas. Mais bon, en tout cas, ça va être une bonne référence pour revenir dessus si on a 2 3 doutes. Magnifique. Et puis sinon, on avait une question aussi cette semaine, Ouais. hein? Une question de DJS Shorn. Bon, je sais pas très bien comment on prononce. DJ Shorn, peut-être. DJ Shorn, je sais pas. Il nous pose la question suivante. Il dit, j'ai une question relativement simple. On entend depuis quelque temps et surtout n'importe quoi. Donc, je reviens sur ce dont on a parlé au début de l'émission avec les nombres et le livre de Nicolas Gouvry. Donc, il nous dit, on entend depuis quelque temps tout et n'importe quoi sur le 21-12. 2012, donc 21 décembre 2012, apocalypse, changement de sens de rotation de la Terre, changement de polarité, etc. La seule chose certaine, c'est que les planètes du système solaire seront alignées. La C'est question certain, ça. Enfin, je pense que tu vas y répondre, hein. Ouais, je vais essayer d'y répondre. La question est la suivante. Quelles seront les conséquences réelles de cet alignement sur la Terre? Y a-t-il aujourd'hui des réponses qui font consensus dans la communauté scientifique? Il dit, j'ai tenté de trouver sur le net des réponses à ces questions, mais j'avoue que je me suis un peu perdu dans la longue liste de théories plus ou moins fumeuses. Alors, finalement, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Wikipédia nous donne pas mal d'informations sur ce sujet. Alors, évidemment, il y a plusieurs prédictions qui annoncent de grands changements, voire la fin des temps et du monde pour le 21 décembre 2012, date supposée en fait de la fin d'un cycle du calendrier Maya. Et ces prophéties ont été popularisées entre autres par le mouvement New Age, certaines œuvres de science-fiction au cinéma et par un certain nombre de charlatans pseudo-scientifiques. Ces prédictions astronomiques pour décembre 2012 ont d'ailleurs été officiellement démenties par la NASA, comme on va le voir. On affirme aussi que l'on assistera à un alignement de planètes, censé avoir des conséquences catastrophiques pour la Terre dues à une planète hypothétique qui s'appellerait Nibiru. Je sais Ah, pas c'est une si nouvelle celle-là. vous n'avez pas entendu parler de cette planète. Moi, Non, j'en ai un peu entendu parler. jamais. Alors, dans la mythologie babylonienne, Ah voilà. Nibiru était le nom par lequel on désignait un astre associé au dieu Marduk. Actuellement, on fait plutôt référence à une planète proche de la Terre, mais invisible. Et Nibiru ne passerait au voisinage de la Terre que tous les 3 600 ans, causant à chaque fois d'importantes perturbations et destructions. Séismes, tsunamis, éruptions volcaniques, basculement de l'axe des pôles, changement climatique, ou encore la disparition de certaines espèces animales et végétales. Alors les arguments énoncés par ceux qui soutiennent l'existence de cette planète ont été clairement démontés par les scientifiques. On a démontré que l'existence de cette planète Nibiru est clairement un mythe. Et comme le montrent aussi les calculs d'éphéméride de la NASA, d'ailleurs on mettra un lien, il n'y aura en fait aucun alignement particulier de planètes en 2012. De plus, aucun alignement planétaire d'aucune sorte, aussi remarquable soit-il, ne pourrait provoquer des effets spectaculaires ou même décelables sur la Terre. Et les prédictions parlent également d'un alignement Terre-Soleil avec le centre de notre galaxie. Ouf. Ouais. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce phénomène n'est pas exclusif à 2012. C'est un alignement qui a lieu deux fois par an, et c'est en 1998 que l'alignement était le plus précis. D'accord. Donc, pour conclure, le 21 décembre 2012 sera donc, comme chaque année, un simple solstice d'hiver, donc le jour de l'année où la nuit est la plus longue. Bon, bon, bon. Donc voilà, donc Voilà. Bah, j'irai faire mes achats de Noël avant le 21 décembre, là, au cas convaincu que où. personne n'ira. Mais non, donc aucun alignement de planète, rien du tout. Donc voilà. Voilà. Je crois Encore un mythe qui s'effondre. que... Un mythe pour certains, pas pour tout le monde. Tu voulais nous faire un petit plug pour les Parisiens via Notex, Professeur Fun, c'est ça? Exactement, rapidement, ouais, pour les amateurs de sciences qui seraient à Paris et qui ne seraient pas abonnés à nos textes, je ne sais pas s'il y en a, juste signaler les apéros sciences et web organisés par le Grand Mix et Wikimédia France, qui repartent de plus belle dans un nouveau lieu avec une nouvelle formule. Ce sera donc ce jeudi 19 mai. Mais c'est pas aujourd'hui? Oui, c'est aujourd'hui. Si, en fait, c'est aujourd'hui, donc c'est trop tard. Voilà. Au Polymagou, donc bah, j'imagine que les gens y sont déjà, et puis ceux qui n'y sont pas, bah, c'est loupé, navré. Voilà, Mais je me bon, suis trompé. il y en a souvent de ces apéros sciences, donc c'est juste aussi rappeler qu'il y a ces apéros sciences à Paris. Et... Non? Exactement, Je ouais, pense qu'ils se absolument. répètent périodiquement. Ouais, je crois qu'il y a eu une petite pause là, mais enfin, Ouais. c'est reparti, effectivement. On essaiera de les signaler un peu, avec un peu plus d'avance la Ouais, prochaine fois. sur ce coup-là. Ouais, sur ce coup-là, bien raté. Bah pour conclure, sinon encore une news qu'a partagée Olivier Tripet qui m'a bien intéressé sur des créatures qui survivent dans l'espace. Alors en fait, il s'agit d'un animal microscopique qu'on appelle tardigrade. Enfin bon, ça c'est le nom anglais, j'ai pas vraiment cherché la traduction française, je sais pas s'il y en a une d'ailleurs. On va aller chercher ça pendant que tu parles. Le tardigrade est donc un animal microscopique de 1 mm qu'on appelle aussi Waterbeer en anglais. Donc, Professeur Fun, Waterbeer, ours d'eau ou ours des eaux. Comment t'écris bien? Bear. Ah, bear, Bear, ouais, ah, c'est ours d'eau. ours d'eau. Mmh. Donc, ce tardigrade, pardon, ce tardigrade est devenu en 2007 le premier animal qui a survécu à une exposition dans l'espace. Il a survécu à des températures très froides, au vent solaire, aux rayons cosmiques, à l'absence d'oxygène, à la déshydratation et au vide de l'espace. Et ce petit animal microscopique participe à la mission d'Endeavour vers la station spatiale, dont on a parlé avant, la station spatiale internationale, afin d'aider les scientifiques à mieux comprendre la résistance de cet organisme exposé dans des conditions extrêmes, comme un voyage dans l'espace. Et il y a un projet lié à cette mission qui s'appelle le projet BioKISS. Qui est un projet soutenu par l'Agence spatiale italienne et qui a pour objectif d'effectuer des recherches sur l'impact des vols spatiaux sur un certain nombre d'organismes microscopiques. Et une des expériences sera d'exposer des colonies de tardigrades à différents niveaux de radiation ionisante et mesurer l'impact de ces radiations sur ces tardigrades, sur cet animal. Alors, ce qu'il faut savoir sur cet animal, c'est qu'à l'état naturel, on le trouve partout dans le monde, dans l'eau et sur Terre. Originellement dans l'eau, mais visiblement il a réussi à sortir de l'eau et à coloniser la Terre. On le trouve principalement dans des mousses et des lichens. Il a la capacité d'éteindre ses fonctions biologiques essentielles et de rentrer dans une sorte d'état de sommeil ou d'hibernation prolongée lorsque les conditions ne sont pas propices à la vie. Il possède une sorte de faculté de suspendre temporairement ses processus vitaux. C'est pour ça qu'on l'appelle ours. Ouais. Ouais. Ourson, en fait, en français. Ourson d'eau. Ourson C'est d'eau. aussi, ouais, c'est aussi tardigrade en français. Tardigrade, d'accord. Ouais. Ça signifie marcheur lent. Voilà. Voilà. Ok. Ben, bon, un animal surprenant, j'en avais jamais entendu parler. Ouais, c'est vrai. Puis particulièrement moche. Moi, ça m'étonne pas du tout qu'il survive dans l'espace. Il a pas l'air terrien, ce truc-là. Il a Ouais, l'air. c'est vrai que les photos de l'article ne sont pas très à son avantage. C'est pas sympa. Ben, donc on verra si ce projet BKISS arrive, BioKISS arrive à nous apporter plus d'informations sur comment ces animaux arrivent à résister au vide de l'espace. C'est impressionnant quand même. Ok, je crois que c'était un peu tout pour les news. Tout pour les news, ouais. Ouais, du coup, il nous reste plus que le moment mythique tant attendu. Le moment que pratiquement tous les podcasts nous envient, sauf un, la quote. Oui, une quote que j'aime particulièrement aujourd'hui de Henri Poincaré, donc un fameux mathématicien français, qui dit la chose suivante: douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir. Ça me plaît beaucoup. Ouais, on va peut-être pas se faire des potes chez nos amis sceptiques avec ça, mais Ouais, c'est vrai. ça me plaît bien. Ça me plaît bien, c'est vrai. C'est des positions extrêmes, c'est chaque fois la même histoire, quoi. Puis quand on parle de douter de tout, c'est vrai qu'il y a aussi du doute qui est pas forcément sain, quoi. Constructif, ouais. Exactement, ouais. Je pense notamment au climato-sceptique ou à ce genre de mouvement. Donc ouais, non, bien, bien, très bien, ça me plaît. Qu'est-ce que t'en penses, Xavier? Ça te parle aussi? Ouais, ça me parle beaucoup. On voit des fois quand il y a des gens qui n'ont pas tellement d'argumentaires ou qui sont en face de toi, puis qui finalement te disent: oui, mais tu sais, tout est relatif. Puis voilà, ça mène nulle part, en fait. Donc tu doutes de l'ensemble de tout, et puis voilà, ça mène nulle part, quoi. Ouais, c'est Je vrai. trouve assez juste. Donc Ouais. il faut douter, c'est bien, mais enfin, il y a un certain, voilà, des limites à respecter, je pense. Enfin, sinon, ça sert plus à rien. Non, non, faut douter, mais en réfléchissant. Essayer de Exactement. comprendre les choses et les doutes qu'on a, essayer de les expliquer comme on peut. Ok. Ben voilà, ben, tu nous donnes de nouveau de quoi méditer pendant une semaine. Bah oui, en attendant la prochaine. Parfait. Excellent. Très bien, bah alors on va en rester là pour aujourd'hui. Merci Xavier pour avoir participé à cette émission avec nous et nous avoir parlé du livre de Nicolas Gauvry. Ouais, merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. Et Ben, merci de m'avoir invité. C'est bien. on va se voir bientôt finalement dans la visite du CERN, là, qui se rapproche à grands pas. Ouais, c'est vrai, le 9 Ouais, je juillet. me réjouis beaucoup. Alors, ben, bonne fin de semaine à vous deux, puis à la semaine prochaine. Merci, à tout bientôt. Ciao. Yes, Salut à tout le tout monde. bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.